La conversation eut peine à reprendre. Le peintre se rappela bientôt son rendez-vous, le répétiteur, ses élèves. Et, quand ils furent sortis, après un long silence, Deslauriers fit différentes questions sur Arnaud. « Tu m'y présenteras plus tard, n'est-ce pas, mon vieux ?»« Certainement, » dit Frédéric. Puis, ils avisèrent à leur installation. Deslauriers avait obtenu, sans peine, une place de second clerc chez un avoué. Pris à l'école de droit son inscription, acheté les livres indispensables. Et la vie qu'ils avaient tant rêvée commença. Elle fut charmante, grâce à la beauté de leur jeunesse. Deslauriers, n'ayant parlé d'aucune convention pécuniaire, Frédéric n'en parla pas. Il subvenait à toutes les dépenses, rangeait l'armoire, s'occupait du ménage. Mais, s'il fallait donner une mercuriale au concierge, le clerc s'en chargeait, continuant, comme au collège, son rôle de protecteur et d'aîné. Séparés tout le long du jour, ils se retrouvaient le soir. Chacun prenait sa place au coin du feu et se mettait à la besogne. Ils ne tardaient pas à l'interrompre. C'étaient des épanchements sans fin, des gaietés sans cause et des disputes quelquefois, à propos de la lampe qui filait ou d'un livre égaré, colère d'une minute, que des rires apaisaient. La porte du cabinet au bois restant ouverte, ils bavardaient de loin, dans leur lit. Le matin, ils se promenaient en manche de chemise sur leur terrasse. Le soleil se levait, des brumes légères passaient sur le fleuve, on entendait un glapissement dans le marché aux fleurs, à côté, et les fumées de leurs pipes tourbillonnaient dans l'air pur qui rafraîchissait leurs yeux encore bouffis. Ils sentaient, en l'aspirant, un vaste espoir épandu.